Super Radio Cayenne. Yeah, I gotta get in quietly though. Move in and move out. Stay sharp. Always. Yeah. I say spot rusher, nine holder, money taker. Get away from me, y'all niggas is just flakers. Sorta like that Lonzo kid on the Lakers. Sorta like that Lonzo kid on the Lakers. Hater, I'm top five, just like Jada. Break out the window when the stash house the paper. Assassinate everything, trench coat and glasses. Black glove, couple strings and no mask. But general in peace, one body them quick fast. Ric Flair off the rope, tag team. Wrestling, but me, I'm on the ceiling with artillery weapons, tearing out your hearts and breaking your midsection. Fertilize, tantalize, don't analyze me. I'm watching, hunting you, chopping you down the tree. The mission is to do the crime and flee the scene and get away scot-free and leave the shit unseen, motherfucker. All right, man, my nigga just gave him the business. I need another veteran to step in so we can all get out. My nigga Pace One, give him that old outside of shit. Yeah, everybody hit the floor. Like I set it off, I drive a truck through a wall. Jump out, masked up, screaming, we want it all. The money in the draw and the cash out the wall. If you wanna live, don't move and don't talk. Unnecessary violence is something we don't want. Just give me what I came for, bitch, and don't stall. Or they'll be cleaning your blood off the door. Throw the bags in the truck and let's go. Before shots echo and blow, let's roll. This kind of money you can't tally too easy. It's time to disappear just like Harry Houdini. Head to Fiji, we don't get caught. Feeling happy as a dealer when his dope get bought. Moving crazy, but we don't get lost. So we escape every time cause we don't get crossed. Motherfucker. Before shots echo and blow, let's roll. Back and forth, 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane, et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne, mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai Vous êtes bien toujours sur Radio Cayenne. Et du coup, moi, je vais venir vous faire un petit récit de la manif de samedi dernier à Rennes contre les centres de rétention. Et je vais commencer tout bêtement par vous lire le tract d'appel à cette manifestation. Donc, abolition des centres de rétention, libérer et régulariser les sans-papiers. D'abord, qu'est-ce qu'un centre de rétention administrative ou CRA ? C'est un lieu d'enfermement ressemblant à un établissement pénitentiaire où des personnes sans papiers sont enfermées sur décision d'un préfet en vue d'une expulsion hors du territoire français. 3 mois d'enfermement. Depuis la loi Asile-Immigration proposée par la majorité de Macron puis votée en 2018, la durée maximale de rétention des étrangers menacés d'expulsion a doublé. La France peut enfermer les sans-papiers dans les CRA pendant 90 jours, contre 45 auparavant, en attendant d'obtenir tous les documents nécessaires pour pouvoir les expulser. C'est une violence d'État. L'État français dit que les personnes sont retenues, mais en réalité, dans les CRA, elles sont enfermées derrière des grilles et des barbelés, privées de leur liberté de circuler, contrôlées et surveillées par la police, sous le regard des caméras. Chaque semaine, des sans-papiers dénoncent les conditions de vie à l'intérieur des CRA et les violences policières. le fait d'être privés de leur téléphone, de rencontrer de nombreuses difficultés à faire valoir leurs droits de recours, d'être attachés ou masqués lors des expulsions, de ne pas être avertis du moment de leur expulsion, d'être réveillés et embarqués de force en pleine nuit, etc. À Rennes, le CRA est collé à l'aéroport. Tous les jours, tu vois les avions, tu te demandes si ça va être le tien. Résultat de cette violence d'État, régulièrement, dans les 25 CRA que compte la France, des sans-papiers pètent les plombs, entre guillemets, s'automutilent, tentent de se suicider, etc. Des mouvements de protestation que les sans-papiers payent cher. Grève de la faim, émeute, tentative d'évasion. Face à cette situation insupportable, un peu partout dans les CRA, des sans-papiers résistent et se révoltent individuellement et collectivement. Ces mouvements de protestation ont jusqu'à présent toujours mené à des regains sécuritaires. Suite à la dernière révolte au CRA de Rennes, 4 retenus ont été condamnés jusqu'à 2 ans de prison ferme. De plus en plus d'étrangers se retrouvent ainsi emprisonnés pour avoir résisté. On trie, on isole, on violente, on enferme des personnes étrangères. Et les CRA sont les ultimes stades d'un arsenal répressif, raciste, qui ne cesse de se durcir. Ils visent et touchent en priorité les étrangers non européens. Soutenons les résistances individuelles et collectives des sans-papiers face à la violence d'État. Rétention, révolte, prison, rétention, etc. Le système d'enfermement s'auto-alimente. Il faut stopper cette politique répressive et raciste contre ces personnes qui n'ont juste pas les bons papiers pour pouvoir vivre là où elles le souhaitent. Et donc cet appel se terminait par un petit encadré qui disait « Contre le traitement des sans-papiers à l'extérieur comme à l'intérieur des CRA, contre l'enfermement qui porte atteinte à la liberté de circuler et de s'installer, contre les violences policières et le racisme institutionnel que subissent les sans-papiers. » Et donc ça, cet appel venait du collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes. Voilà, et donc le rendez-vous était à 15h devant l'aéroport de Rennes, mais c'était également un appel national, en fait. L'appel était lancé à faire des manifestations devant les CRA de partout, devant les CRA de toute la France. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour les autres villes, mais en tout cas, à Rennes, on trouve du coup un petit compte-rendu de comment s'est passée la manif sur la page Facebook du CRAN, le comité de réquisition et d'action nantais, qui est plutôt une page Facebook que je vous recommande si vous voulez avoir des infos régulières sur les luttes des exilés, etc. Donc je vous lis ce petit compte-rendu nantais de cette journée de mobilisation du 22 juin à Rennes contre les centres de rétention. Donc à Rennes, rendez-vous est donné à 15h à l'aéroport pour une manifestation vers le CRA pour l'abolition des centres de rétention, la régularisation des personnes sans papier et en soutien aux révoltes individuelles ou collectives des sans-papiers face à la violence d'État. Un groupe d'une quinzaine sont venus de Nantes. À leur arrivée, presque une centaine de militants rennaises sont rassemblés devant l'aéroport. Il y a également un camion pour emmener les escabeaux et un camion de CDI transportant 4 keufs. Les prises de parole se terminent et le cortège démarre, suivi des 2 camions. Des banderoles demandant l'ouverture des frontières, l'abolition des CRA et dénonçant le racisme d'État sont déployées. De nombreux slogans sont criés par le cortège, comme « Pierre par pierre et mur par mur, nous détruirons les centres de rétention » ou encore « Mais qu'est-ce qu'on veut des papiers ? Pour qui ? Pour tous ?» interrogés par certaines qui préféreraient pas de papiers du tout. Après 15 minutes de marche à travers champs, enfin, on va dire sur des routes dans un décor relativement effectivement désert, il y a juste l'aéroport, quoi. On longe l'aéroport et quelques petits quartiers résidentiels, mais c'est quand même beaucoup bordé de champs, effectivement. Le cortège arrive au CRA. Sous la surveillance hostile de la CDI, de la PAF et des nombreuses caméras, un parloir sauvage commence. À l'extérieur, on crie « Liberté pour toutes et tous, liberté avec les exilés, nous détruirons les centres de rétention et toutes les prisons. » À l'intérieur, on crie également « On n'est pas des criminels, et contre ces murs de béton qui enferment les personnes rendues illégales seulement par un bout de papier. » Sur les escabeaux, des discussions ont lieu entre les barbelés. La police aux frontières filme les personnes enfermées qui communiquent avec les personnes venues faire le parloir sauvage. Des Nantais-Nantaises reconnaissent un ami connu dans les occupations, enfermé là depuis la veille. Il est observé qu'un filet a été installé par l'administration raciste au-dessus des barbelés pour empêcher les personnes solidaires d'envoyer des objets, c'est-à-dire souvent des cigarettes, de la nourriture, etc. Donc d'envoyer ça par-dessus le grillage. Après 30 minutes d'échange, à travers les trous de la bâche installée en réponse au parloir sauvage pour empêcher ceux et celles qui viennent du dehors de voir les camarades enfermés, ou par-dessus, grâce aux escabeaux. Il est indiqué de l'intérieur que les parloirs ont été bloqués en réponse à la présence du groupe. Après avoir pris des contacts, le groupe décide donc de partir. Dans le CRA, comme à l'extérieur, tout est fait pour empêcher les révoltes solidaires de s'organiser. Ce type d'action permet de maintenir quelques liens et de manifester la solidarité avec les enfermés par l'État, mais n'empêche pas ce dernier de traquer, enfermer, précariser et déporter les étrangers et étrangères. Rappelons malgré tout que depuis le début de l'année, les enfermés de nombreux CRA se sont révoltés, notamment à Ménilamlot, Vincennes, qui sont en banlieue parisienne, Lyon, Bordeaux, Sète et Rennes, Oissel aussi à Caen. Ils ont mis le feu à leurs cellules, refusé les promenades, se sont mis en grève de la faim, etc. etc. À Rennes, 4 personnes sont emprisonnées suite aux révoltes dans le CRA, comme on le disait. À bas les CRA, feu aux frontières, à bas l'État, feu aux prisons. Donc voilà, c'était une petite manifestation en réalité, mais un assez chouette parloir sauvage, donc c'est assez bien expliqué que... Bon, les gens de Rennes disent qu'ils essayent de faire ça tous les mois, et que d'habitude ils ont beaucoup, ils sont beaucoup embêtés par la police quand ils viennent faire les parloirs sauvages, et que c'est rare qu'ils arrivent en fait à mener les parloirs sauvages jusqu'au bout correctement, etc. Alors que bon, là ça s'est relativement bien passé, on va dire. Il y avait peu de flics qui étaient présents. Et effectivement, bah, il y a un dispositif qui empêche en fait ces parloirs sauvages, le dispositif juste des bâtiments en fait, parce qu'ils ont mis des grandes bâches pour pas que les gens puissent se voir à travers les grilles. Du coup, les gens amènent des escabeaux pour pouvoir se voir au-dessus des bâches qui ont été tendues. Il y a ce filet là pour empêcher que les gens se balancent des trucs dans les cours. Et ce filet, apparemment, il a coûté, je sais plus, genre plus de 15 000 euros. Enfin, il disait que c'était tout récent comme travaux qui avaient été faits sur le CRA. Et que, voilà, en vrai, cet argent, bah, évidemment, il pourrait être dépensé, par exemple, à l'accueil des exilés. Mais il préfère l'utiliser pour sécuriser les prisons, quoi, pour étrangers, voilà, etc. Bref, voilà, bah, peut-être on va mettre un peu de musique et puis on reviendra sur d'autres situations d'exilés ailleurs en Europe. Ma rage, ma peine, ma haine, ma rage, ma peine. Ma rage, ma peine, ma haine n'est pas d'être une femme. C'est de me taire quand je dois m'exprimer. De ne pas pouvoir y agir, même quand mes doigts sont bafoués. Je reste bouche bée, toujours à l'égard. Alors que première concernée par la tradition, mes droits et devoirs sont cernés. Ma rage, ma peine, ma haine, c'est quand je vois ces gosses à l'avenir incertain. Dans la rue, trop de jeunes qui traînent, pas besoin de dé. Toute la peine, plus de repos certain. Je n'ai sacrifié plus d'espoir. Ma peine, c'est de toute cette génération sans repère et de ne pouvoir rien faire. Ma rage, ma peine, ma haine. Ma rage, ma peine, ma haine. We'll be right back. Alors c'est toujours Radio Cayenne et après ce petit retour sur la manif contre les CRA de samedi dernier, eh ben j'ai choisi de vous parler de quelques autres trucs concernant la situation des migrants en Europe. Alors j'ai choisi des petits extraits à droite à gauche comme ça. Et du coup, là, je vais vous passer un podcast que j'ai trouvé sur RFI, donc qui a été diffusé le 21, et qui parle un peu de la situation des migrants et des réfugiés dans les Balkans, principalement en Bosnie-Herzégovine. Du coup, voilà, c'est des news un peu récentes de la situation là-bas, dont on entend assez rarement parler, je trouve. Mais voilà, bon, ça vient de RFI, ça dure quelques minutes. Je vous laisse écouter ça. RFI Matin. Malgré la fermeture des frontières, des milliers de migrants et de réfugiés tentent toujours de rejoindre l'Europe occidentale en traversant les Balkans. Mais la situation humanitaire est de plus en plus désespérée, notamment en Bosnie-Herzégovine. Jean-Arnaud Derains, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondant dans la région. Quelles sont les principales routes utilisées par les exilés ? Eh bien, depuis la Turquie et la Grèce, il existe deux voies principales de passage, l'une par la Macédoine du Nord et la Serbie, l'autre par l'Albanie puis le Monténégro. Ensuite, les migrants et les réfugiés rejoignent la Bosnie-Herzégovine pour tenter ensuite de passer en Croatie. Ce pays est membre de l'Union européenne, pas de l'espace Schengen, mais il interdit tout passage. Les candidats à l'exil se concentrent donc dans le nord-ouest de la Bosnie, où la situation humanitaire est effectivement catastrophique. Depuis Birac et la petite bourgade de Velika Kladuša, ils tentent de franchir la frontière croate, mais sont presque toujours refoulés. Les organisations humanitaires dénoncent de nombreux actes de violence de la part de la police croate. Des réfugiés sont régulièrement battus, leurs téléphones portables sont brisés et beaucoup sont refoulés illégalement en Bosnie sans que leur soit même laissée la possibilité de demander l'asile en Croatie, pourtant prévue par toutes les conventions internationales. Et c'est en Bosnie, justement, Jean-Arnaud, que la situation est la plus critique. Tout à fait, près de 10 000 réfugiés s'entassent dans cette région de Bihać. Samedi dernier, la police de Bosnie-Herzégovine a transféré de force près d'un millier d'entre eux dans le camp de Vučjak, établi dans une ancienne décharge dans la montagne, sans eau, sans électricité, sans internet, sur un terrain infesté de serpents. Depuis, les réfugiés appellent à l'aide l'opinion internationale, mais les organisations qui leur venaient en aide, notamment les volontaires du réseau Aid Brigade, ont été empêchés de travailler. Les divisions politiques de la Bosnie-Herzégovine continuent de compliquer la situation. Les deux entités du pays, la Republika Srpska et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, mais aussi les différents cantons de la Fédération, se renvoient à la responsabilité du dossier. La Bosnie envisage depuis plusieurs semaines de fermer ses frontières ou bien d'y déployer l'armée, mais aucune décision n'a pu être prise, laissant aux autorités locales la responsabilité de gérer la situation. Et Jean-Arnaud, qui sont aujourd'hui ces réfugiés ? On trouve parmi eux toujours beaucoup de Syriens, des Afghans, des Pakistanais ou des Yéménites, mais aussi de plus en plus de ressortissants des pays du Maghreb, qui peuvent se rendre sans visa jusqu'en Turquie pour s'engager ensuite sur cette route des Balkans. Entre les différentes nationalités, les relations sont souvent tendues, notamment entre les Maghrébins, les Afghans et les Pakistanais. L'OIM, l'Organisation internationale des migrations, gère des camps qui abritent plusieurs milliers de personnes dans la région de Bihać et elle essaye de concentrer son aide sur les familles, mais des milliers de migrants tentent également de survivre dans les squats de Sarajevo ou d'autres grandes villes du pays comme Tuzla. Depuis le début du printemps, on observe une augmentation des flux alors qu'il est de plus en plus difficile de traverser la Méditerranée depuis la Libye. En raison de la fermeture des frontières croates, de plus en plus de migrants rebroussent chemin et repartent vers la Grèce, occasionnant de terribles mouvements d'aller-retour à travers tous les Balkans. Bien sûr, les frontières fermées peuvent facilement s'ouvrir pour ceux qui ont de l'argent et peuvent payer les passeurs qui savent eux-mêmes comment corrompre les policiers et négocier le passage des frontières. Ce sont donc les plus pauvres qui s'entassent dans les camps ou les squats de Bosnie-Herzégovine, du Monténégro ou d'Albanie. Les rares organisations humanitaires encore actives dans la région, comme Médecins sans frontières, craignent que la situation ne devienne ingérable si les flux devaient encore s'intensifier et pointent la menace d'une véritable catastrophe humanitaire, notamment en Bosnie-Herzégovine. C'était Bonjour l'Europe avec Jean-Arnaud Derrins. Merci Jean-Arnaud, en ligne du Kosovo pour RFI. Nous sommes Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nantes, grève, réflexion, manie, et puis des blagues. Donc voilà, on vient d'entendre un petit podcast de RFI qui parlait de la situation des migrants et des réfugiés à la frontière européenne, en fait, à la frontière de l'espace Schengen. Donc voilà, c'est ça en fait l'Europe forteresse. C'est ça que ça crée, en fait, effectivement, des situations horribles où ils disent, bah ouais, on craint des... Enfin, je sais pas comment dire, des horreurs humanitaires et sanitaires, etc. Bah oui, bah, c'est logique en même temps, c'est la conséquence des politiques européennes. Et du coup, en parlant de conséquences de politiques européennes, je vais vous lire un autre article, toujours issu de RFI, qui parle un peu plus de la situation en Libye. Donc je vous le lis en entier, tous les passages sont pas forcément passionnants, mais ça donne une idée un peu en fait des conséquences des politiques européennes et particulièrement de la fermeture aussi des ports italiens, etc. Enfin bref, vous allez voir. Ça s'appelle Migration en Libye, le tragique bilan de la fermeture des ports italiens. Hop. Cela fait un an que l'Italie a fermé ses frontières maritimes aux migrants venant de Libye. En juin 2018, donc. L'ONG Médecins sans frontières alerte à nouveau, à l'occasion de cet anniversaire, sur les conditions de détention des migrants dans les centres libyens. Alors que selon MSF, 15 000 personnes ont été interceptées en mer et ramenées à Tripoli en 2018. Donc toujours selon MSF et SOS Méditerranée, au moins 1151 hommes, femmes et enfants ont péri en Méditerranée centrale depuis que l'Italie a décidé l'an dernier de fermer ses portes aux navires humanitaires portant assistance aux migrants en mer. Rien que sur les 6 dernières semaines, plus de 3800 départs sur des embarcations de fortune ont pourtant été répertoriés par les deux ONG. Désolée, il faut que je scrolle l'article pour pouvoir le lire. Ça prend un peu de temps. Fin 2018, MSF et SOS Méditerranée ont dû renoncer à affréter l'Aquarius, dernier bateau qui portait encore assistance à celles et ceux qui tentent de traverser à partir de la Libye. Le navire a été bloqué à Marseille en raison de la perte de son pavillon panaméen en septembre pour non-respect des procédures juridiques internationales en matière de secours aux réfugiés. Julian Reichmann, chef de la mission de MSF pour la Libye, explique qu'en 2018, 15 000 personnes ont été ramenées en Libye dans le cadre de retours forcés. Nous sommes actifs dans les centres de détention et dans les centres de désembarquement. Dans les centres de désembarquement, très souvent, on peut voir des gens qui ont tenté plusieurs fois la traversée, relate-t-il. Donc ça veut juste dire, voilà, ils sont ramenés très très souvent en fait dans les camps en Libye. 3400 migrants et réfugiés dans les centres de la capitale libyenne. En Libye, il y a environ 5800 personnes qui sont dans les centres de détention et qui sont détenues de façon illégale, en ayant été ramenées souvent à partir de la zone maritime internationale par les gardes-côtes libyens, en toute illégalité. Les conditions de détention en Libye sont les mêmes, voire pires, que celles qui sont décrites depuis des années. Depuis début juin, les Nations Unies ont dénoncé les centres libyens. Nous sommes profondément préoccupés par les conditions épouvantables dans lesquelles les migrants et les réfugiés sont détenus en Libye, avait déclaré Rupert Colville, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU, énumérant au passage 22 décès dus à la tuberculose, entre autres à Zintan depuis septembre. Il ajoutait que 60 autres personnes souffrant de tuberculose avaient été emmenées dans un hangar pour y vivre un véritable enfer. Tandis que 30 personnes, toutes chrétiennes et souffrant de la même maladie, avaient été transférées vers le centre de Garian, près du front. L'ONU avait dénombré 3400 migrants et réfugiés dans les centres de Tripoli, en proie à de violents combats depuis avril. Aujourd'hui, avec les combats, l'accès à la nourriture est très, très largement insuffisant. On a des maladies qui se développent, des maladies mentales premièrement. On a des gens qui ont une santé qui se dégrade. Donc les gens, ici en Libye, sont beaucoup plus sensibles aux maladies infectieuses, notamment la tuberculose, confie le chef de mission de Médecins sans frontières. Les ONG demandent un système de débarquement vers des lieux sûrs. L'ONU a visité le centre de Zintan, où 654 migrants et réfugiés étaient alors détenus dans des conditions équivalentes à des peines ou des traitements inhumains et dégradants, assimilables à de la torture, selon Rupert Coldwell, qui décrit en détail la sous-alimentation, les privations d'eau, les gens enfermés dans des entrepôts surpeuplés en pestant les ordures et les latrines bouchées. Les Nations Unies demandent aux autorités libyennes de libérer immédiatement les migrants et les réfugiés détenus dans ces lieux de détention. Nous sommes également extrêmement préoccupés par les informations faisant état de disparitions et de traite d'êtres humains après que des personnes aient été interceptées en mer. Quant à Médecins sans frontières et SOS Méditerranée, les deux organisations demandent aux États de l'Union européenne de mettre un terme aux actions punitives contre les ONG intervenant en Méditerranée centrale et la mise en place d'urgence de capacités de recherche et de sauvetage et d'un système de débarquement pérenne vers des lieux sûrs. Donc voilà, pour celles et ceux qui ignoraient encore ce qui se passe en Libye, comment sont traités les exilés, les réfugiés, les migrants en Libye. Voilà. Et du coup, le fait qu'il n'y ait plus de sauvetage en mer le long des côtes libyennes, enfin, en fait, le long des côtes, c'est les gardes-côtes libyens qui récupèrent les embarcations. Mais normalement, quand les embarcations arrivent à passer, en fait, dans les eaux internationales, souvent, ils étaient, enfin, s'ils chaviraient, après, ils étaient secourus, du coup, par des ONG un peu plus... internationale ou européenne, et du coup ils n'étaient pas ramenés en Libye à la base, ils étaient ramenés vers l'Europe puisque la Libye n'est effectivement pas du tout un lieu sûr qui traite correctement les gens. Bon, alors l'Europe traite pas toujours très bien non plus les exilés, c'est clair, mais bon, disons que c'est a priori quand même un peu mieux, mais c'est plus possible maintenant de débarquer les personnes qu'on secourt en mer en Europe. Enfin, en tout cas, ça devient de plus en plus dur, notamment l'Italie refuse systématiquement. Et puis, en vrai, la plupart des pays d'Europe essayent de fermer. Enfin, voilà, ils font des problèmes, en tout cas, aux ONG de secours en mer. Ils essaient de fermer leurs ports, ils essaient de se refiler les exilés, et non, moi j'en prends pas trop, alors j'en prends 10, ok, d'accord, je suis sympa, tu vois. Et du coup, à cause de ça, il y a énormément de gens qui meurent en mer, et puis là, on voit aussi la conséquence, c'est qu'il y en a énormément qui, du coup, sont ramenés en Libye, au lieu d'être ramenés en Europe, et du coup, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens dans des camps, qui sont en train de crever, en fait, dans des camps, de se faire torturer, etc. Voilà, c'est joyeux. Je suis désolée. Et sinon, du coup, je voulais terminer pour parler de ça. Je voulais terminer par vous conseiller, on va dire, des sites d'information là-dessus, si vous voulez lire plus de choses sur les luttes des exilés ou sur les migrations, les conditions dans lesquelles se trouvent aussi les migrants ou les réfugiés un peu partout en Europe ou dans le monde ou quoi. Du coup, il y a... Bon, RFI, c'est une source, mais c'est pas forcément... Enfin, ça parle vraiment pas que de ça et c'est pas forcément la meilleure. Sinon, il y a un site qui s'appelle infomigrant.net, qui est pas trop mal, qui relaye régulièrement des infos là-dessus. Sinon, du coup, on parlait des centres de rétention tout à l'heure. Il y a un très bon blog qui s'appelle abalekra.noblogs.org, qui, du coup, relaye les communiqués et les paroles d'exilés enfermés en centre de rétention et qui relaye les luttes, etc. Sinon, en ce qui concerne les luttes dans les centres de rétention, il y a aussi l'émission de L'Envolée qui en parle quand il se passe des choses. Donc, il y a une émission anticarcérale et ils ont aussi un site internet. Je ne sais plus comment c'est, l'envolée.net ou quelque chose comme ça. Pour les news autour de Nantes, il y a la page Facebook du CRAN dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Ça fait déjà des bonnes bases pour se renseigner. Après, il existe sûrement aussi plein d'autres sites intéressants. N'hésitez pas à partager sur le chat si vous en connaissez d'autres. Voilà, je vous laisse avec un peu de musique. un métier qui nous plaît. Faudrait pas croire que toute la journée on n'est qu'une idée. Aller se promener, mais quel dommage que d'être en cage lorsqu'on voit briller le soleil dehors et qu'il faut finir le travail. J'attends la cloche et je sais bien qu'au coin de la rue là-bas, il y a ce garçon qui m'attend déjà et qui regarde l'horloge comme moi. C'est lui que j'aime, toujours le même. Je me souviens quand j'allais avec lui chanter dans la rue. C'est le meilleur moment de la journée. Lors de la sortie, tout au long de l'année. Lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Lors de la sortie, tout au long de l'année. Lors de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. Lors de la sortie, tout au long de l'année. Lors de la sortie.